Quand le président Kabila arrive au pouvoir, il n'y a pas d'État. Il n'y a même pas de constitution. Il y a la forêt, il y a 2 millions de kilomètres carrés de territoire livrés à tous les pillards, à tous les bandits de la terre. Il n'y a rien. Mais quand le président Kabila part, il laisse un pays organisé, une armée solide. Il a vaincu le M23. Il est allé jusqu'à tempêter à l'ONU. Et on a demandé, on a renforcé les capacités de la MONUSCO. Parce qu'il a expliqué que si la MONUSCO ne peut pas avoir un mandat offensif, qu'est-ce qu'elle fout là? Mais qu'elle fout le camp? Monsieur Tshisekedi, c'est un Belge. Il a déjà défendu le Congo. Il a défendu le Congo. Et c'est ça, les oppositions africaines. Afrique Média, le monde, c'est nous.